Pour cette première interview de 2026, je suis avec Everrise, donc avec Laurent et Benjamin, donc au champ et à la basse. C'est ça. Merci les gars de vous être déplacés. Merci à tous de nous accueillir. Je voudrais qu'on commence tout de suite par parler un peu de l'histoire du groupe, qui est finalement pas toute récente, parce que j'ai vu que vous aviez démarré en 2013. Ouais, on est assez vieux, on va dire, avec plein de rebondissements, mais Laurent parle beaucoup mieux que moi en général de ça, parce qu'il a l'habitude de l'écrire, donc je vais laisser Laurent parler. Alors, 2013, c'est pas tout à fait ça, c'est plutôt 2014. En 2014, on avait fini un projet qui était à Berne, un groupe de brutal bass. Dans lequel on jouait déjà ensemble, moi à la guitare et lui toujours au chant. Et suite à la fin de ce groupe, j'avais des compos en réserve, donc je me suis dit je vais faire un album avec, parce que j'avais pas envie de jeter tout ça. Et j'ai proposé à Ben de chanter sur l'album. Donc le projet, il est né comme un projet studio initialement, avec des compos, et il y a Damian, le batteur à l'époque, qui nous a rejoint pour composer la batterie. Et puis voilà, donc l'album a été fait maison, mixé, masterisé par Victor du groupe Drum Yoship. Et puis ensuite, on a continué, on s'est dit, tiens, c'est dommage de faire que du studio, on va monter un line-up. Donc on a recruté deux autres membres. Récupérer la bassiste de mon groupe de black metal, Caroline. Et Alex, on l'a recruté plus tard. Alex, donc, qui est maintenant luthier à Tournefeuille, là, Alex Guitare, je ne sais pas si vous voyez. On lui fait de la pub si jamais. Ouais, il est très bon. Alex Guitare, ça marche. Voilà. Et voilà, donc on a fait un live, puis derrière, il y a eu des problèmes de Alex qui a dû partir parce que justement, il allait faire sa formation de luthier dans une autre ville. Et puis petit à petit, ça s'est un petit peu terminé comme ça sur ce line-up-là. Puis on a enregistré un deuxième album qu'on a encore fait une fois fait tous les deux et mixé, masterisé au Vamakara Studio en 2018. Voilà. Suite à ça, il y a eu une longue pause. On a quand même rencontré Stéphane et Patrice juste avant de faire une pause. Parce qu'on deux guitaristes actuels. Deux guitaristes actuels. Juste avant une pause qui s'appelle Orio Covid. Ah, qu'on n'est pas. Personne l'a vu passer celle-là. Alors, en fait, il y a eu une pause de 2 ans après le deuxième album. On a trouvé un batteur un peu par hasard, qui est donc Fabrice, notre batteur actuel. Et donc, on a remonté un line-up avec Patrice et Stéphane qu'on avait rencontrés 2 ans auparavant. Et là, il y a eu le Covid. Et donc, on a fait un live, et puis, pouf, le Covid. Donc, ça a mis un petit stop au projet, mais on est quand même resté soudés. Et au final, à la fin, on s'est retrouvés encore mieux. Et maintenant, on enchaîne les lives. Et puis, donc, on a sorti ce troisième album récemment, là, en décembre. Oui, effectivement, on vous voit quand même régulièrement à l'affiche, au moins sur le secteur toulousain, en live, ouais. Vous avez quand même pas mal évolué, je trouve, d'album en album, doucement, par petites touches, mais progressivement, pour arriver donc à ce troisième album Lost, qui est sorti tout décembre 2025. Ouais, j'ai trouvé énormément d'influence à la Arch Enemy dans cet album. Je sais pas si vous êtes d'accord ou pas du tout, et enfin comment vous voyez la construction de cet album. Alors, et du coup, votre évolution un peu au fur et à mesure. Au niveau de la compo, ça a évolué justement parce que le premier, j'étais tout seul. Le deuxième, il y a donc Damien qui a participé à la composition pas mal. Et le troisième, on était plusieurs à composer. Et donc, on avait quand même composé. Et donc, il y a les influences des autres musiciens qui sont présentes. Effectivement, il y a au moins deux morceaux qui sont très inspirés d'Arch Enemy. Pour le reste, un petit peu moins, je trouve, mais après. Après, c'est des ressentis. C'est vrai qu'entre le premier et le troisième album, comme il disait Laurent, le premier album, il avait composé en intégralité. Moi, je suis arrivé, il m'a fait écouter, je fais OK, allons-y. C'était vraiment. C'était ma gourmandise. C'était un truc. Un style de musique que j'aurais voulu faire, mais je ne rencontrais pas les musiciens pour le faire. Donc Laurent, il propose un truc qui était almost finished, on va dire. Il y avait quasiment toutes les compos. Donc forcément, il y avait sa patte à lui, j'allais dire, sans le recul, mais pas en côté négatif, tu vois. C'est normal, tu es dans ton jus, tu proposes un truc quasi fini, donc nécessairement, bah, il y avait sa touche à lui sur le premier album. Sur le deuxième, Damien, lui, il avait tout son côté Black Sinfo pour certaines orchestrations ou arrangements, et beaucoup de Gojira dans son jeu de batterie, parce que c'est un batteur, oui, et que forcément Gojira, bon, bah, ça plaît à certains batteurs. Il a tendance à influencer un peu de monde. Ouais. Moi, je n'ai pas participé réellement en termes de compo, même si je suis guitariste sur le deuxième, mais j'essayais d'influer Laurent en lui disant « Oui, on peut mettre un peu de ça, on peut mettre un peu de ça. » Il y a eu un morceau, bah, en l'occurrence celui qui parle de Cthulhu, le dernier morceau du deuxième album, où... bah, moi, je lui donnais juste des directions et puis lui, il a pondu un truc nickel. Et sur le troisième, bah, il est guitariste, je suis guitariste, Stéphane est guitariste, Patrice est guitariste. Donc forcément, il y a eu beaucoup d'influence, mais pas forcément les mêmes goûts. Donc Arch Enemy ressort, effectivement, sur deux morceaux, ouais, c'est ça. Bon, j'aurais dit Cowards et One Sword. One Sword, ouais, beaucoup. Celui-là, oui, mais on s'en cache pas, hein, c'est aussi un truc qui nous plaît. Voilà. Ça a le droit, ben. De toute manière, on a énormément d'influence, mais c'est vrai qu'il y en a qui ressortent plus sur certains morceaux que sur d'autres. Donc, par exemple, Seize, on pourrait dire c'est très At The Gates, au moins pour le début du morceau. Voilà, effectivement, il y a pas mal d'influence. Je vois. On peut dire aussi que du coup, vous apprenez actuellement à composer à 4. Un petit peu, et donc même à 5 parce que les rythmiques aussi, mais du coup c'est tout un travail et toute une recherche pour vous de votre côté de trouver l'équilibre de ce que vous aimez tous, de ce que comment bien fonctionner. On a aussi Stéphane qui a est assez doué pour faire des orchestrations, chose qu'il n'y avait pas vraiment sur les deux premiers albums. Un tout petit peu, il y avait quelques claviers, mais c'était vraiment des nappes. Là, on était dans le brut, en fait, dans nos orchestrations sur les deux premiers, parce que ce n'était pas notre fer de lance. Ouais. Et Stéphane, il a une capacité à arranger, à trouver le truc que nous, on n'a pas prévu. On peut écouter 150 fois un riff, dire « putain, il bute, vas-y, on le fait comme ça ». Et lui, il va passer 150 fois à chercher comment l'optimiser. Et c'est ultra cool qu'il y ait quelqu'un comme ça qui, au bout d'un moment, nous fait « Oh bon les gars, ça, ah d'accord, on ne l'avait pas vu venir, mais ok, on prend. » C'est vrai que moi, j'apporte beaucoup la matière première. Ouais. On va dire que les premiers jets des morceaux, c'est souvent moi qui les propose. Et après, derrière, c'est vrai qu'ils sont passés à la moulinette du groupe et ça rend quelque chose que je n'aurais pas réussi à faire tout seul. Ouais. Alors, c'est bon. Okay. Est-ce que vous pouvez me parler un peu des thématiques que vous avez décidé d'aborder dans Lost, justement ? Bon, bah, là, pour le coup, c'est moi. Plus le chant, oui. Alors, les thématiques dans Lost, elles sont assez vastes, mais avec un tronc commun qui est la perte, le mot perte, et avec tout ce que ça englobe. Donc ça peut être la perte de son humanité, la perte de la raison, la perte d'une écologie qui était belle et qui se meurt. Sur le morceau 6, c'est exactement ça. La perte d'un être cher. Il y a un morceau, j'ai tendance à l'expliquer en concert, mais pas en mode plaignez-moi ou quoi, mais plus putain les gars, si vous avez des potes qui vont pas bien, des copines qui vont pas bien, soutenez-vous. Moi j'en ai perdu un parce qu'à un moment donné, il s'est sorti de ça. Il a pas voulu être aidé et il est parti. Et du coup, oui, c'est jamais calculé quand j'écris les paroles. Souvent, Laurent ou Stéphane, quand il y a un morceau qui est fini, je l'écoute et le sujet vient. Et du coup, j'écris tous les morceaux. Et au moment où on doit trouver le titre de l'album, qui est un grand moment de recherche, on avait plein d'idées. Mais la logique était que oui, je parle souvent de la perte. Et aussi de la dépression, sous, on va dire, la deuxième couche, une fois que j'ai fini de parler de la perte, les morceaux, en fait, sont toujours vus de manière assez dépressive ou négative. Pas pour choquer, pas, c'est pas du black metal, c'est pas des trucs gothiques, emo ou quoi que ce soit. Oui. C'est juste ma façon d'être. Je suis quelqu'un, moi je trouve de la positivité en exorcisant tout ce qui est dépression et tout ça. Et après, on a notre petit running gag, si on peut dire comme ça, c'est que sur chaque album, on a un morceau qui traite de l'univers de Kentaro Miura, l'auteur de Berserk, qui est décédé. Donc on a toujours un morceau qui parle de cet univers-là. Mais même ce morceau-là, à chaque fois, il est raccord avec la perte. Ouais. Là, en l'occurrence, c'est la perte de la raison pour le héros qui fait des exactions. Je ne veux pas spoiler les gens qui n'ont pas lu ce manga. Lisez ce manga. Et on a toujours, dans notre deuxième running gag, un morceau qui parle de l'univers de Lovecraft, Cthulhu, Xastur et compagnie. Astur, je dis Xastur, c'est un groupe de black. Astur. Et du coup, ça nous tient à cœur de parler de ça. Et pareil, à chaque fois, bah, j'essaye d'être raccord avec l'ensemble de l'album. Ouais. Je vais puiser vers telle nouvelle, telle chronique de Lovecraft, parce que c'est un auteur que j'apprécie et affectionne énormément. Voilà. Ok. On va continuer à parler autour de cet album Lost. Moi, je voudrais qu'on parle un peu de la pochette, qui est magnifique dessin avec un très beau crâne. Est-ce que vous l'avez fait vous-même? Vous l'avez fait faire? On l'a fait faire. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de comment c'est venu? Alors, le choix de la pochette a été très compliqué, puisque les deux principales personnes qui ont un désaccord. Bon, en gros, Benjamin et moi avons des goûts très très différents. Moi, j'aime bien les choses un petit peu carré, et lui il aime bien les choses un petit peu moins carrées. En gros, j'aime les pochettes de black metal, il aime plus les pochettes de death metal. Et comme on fait du death metal, j'estime que... Je crois qu'il a gagné sur sa pochette. Après, on en rigole, mais après c'est que j'ai fait une licence d'art plastique, j'ai une formation de graphiste. Laurent a fait aussi une formation de graphiste, bon, un peu plus tard, mais j'ai fait une mini-formation. Ça n'empêche pas, on a un affect, on a des goûts. Et nos sensibilités, même si, par exemple, on va regarder une pochette, on va tous les deux l'aimer ou tous les deux la détester, on l'aimera et on la détestera pas pour les mêmes raisons, parce qu'on n'a pas les mêmes sensibilités. Et bon, du coup, on a galéré beaucoup pour se mettre d'accord sur quelque chose. Donc, la méthode qu'on a employée, c'est qu'on a cherché des illustrations sur Internet. On a fait tous un gros dossier où on a mis toutes les illustrations qu'on trouvait cool. Et on s'est regroupé pour vers quoi on veut s'orienter. Et donc on a vu cette image-là, on a retrouvé l'artiste, on lui a acheté l'image, donc on a acheté les droits dessus. Et à partir de là, j'ai fait le reste du design avec Ben. Donc on a rajouté tout le... On a fait le layout, le choix de police d'écriture, la colorimétrie, parce que l'artiste, quand on lui a acheté l'image, il y avait une certaine colorimétrie. Mais c'est pas exactement ce qu'on voulait. Je vais peut-être pas spoiler une des futures questions, mais on avait un clip en. On va en parler après, mais oui, il n'y a pas de souci. Et en fait, moi j'avais déjà la vision du clip. Et du coup, on s'est mis d'accord sur la colorimétrie. Et puis, du coup, t'as fait tout le layout derrière. Après, j'ai fait le layout. Voilà, globalement, c'est comme ça qu'on a fait. Et je pense qu'à l'avenir, on refera comme ça parce que de toute manière. Si ça vient de moi ou si ça vient de Ben, je pense que quoi qu'il arrive, ce qu'il fera, il y a peu de chances que ça me plaise, et ce que je ferai, il y a peu de chances que ça plaise à Ben. Donc, comme ça, tout le monde est content. Okay. C'était impartial et démocratique. Voilà, parce qu'on essaye d'être démocratique dans le groupe. Ce qui est bien. Ce qui change de pas mal de groupes. Pour toutes les décisions, on procède par vote en général. Après, on procède par vote. Comme dit Laurent, et des fois ça peut prendre un certain temps parce que faut déblatérer et argumenter des fois. Mais dans tous les cas, tu vois, c'est bien d'avoir cette démocratie, mais c'est bien aussi d'avoir à un moment donné quelqu'un qui tranche. Et comme Laurent a créé le groupe, souvent on s'en remet à la décision. La décision finale, c'est Laurent. Qu'on soit d'accord, pas d'accord, on fait confiance. Et jusqu'à présent. Il n'y a pas eu trop de mauvais moves, on va dire. Toutes les décisions que tu as prises sont quand même porteuses. Après, globalement, je n'ai jamais trop pris de décision tout seul. Mais... Non, pas tout seul. Mais non, mais même après un vote, je n'ai jamais changé le vote, quoi, au final. Donc, non, ce n'est pas changer le vote. C'est plus au bout d'un moment, tu dis bon, bah, le vote, faut le clore maintenant. Plus dans ce sens-là, tu vois. Ouais, ouais. Oui, parce que sinon, on peut. Oui, sinon, ça peut durer longtemps. Ça peut durer des points, ouais. Bien sûr. Okay. Bah justement, tu me lances, donc c'est parfait. On va parler du clip. Ce clip que vous avez sorti, pareil, là, en fin d'année. Bon, il est sympa. Moi, je l'ai regardé, je le trouvais plutôt sympa. C'est pas mal. On voit que ça a été bien travaillé et tout ça. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu? Est-ce que vous avez pris du plaisir à le faire ou est-ce que c'était une horreur? Non. Alors, le truc, c'était que l'idée du clip. Presque, on s'est dit, une fois qu'on l'avait fait, pourquoi on n'a pas fait ça plus tôt, quoi. Mais bon, après, y a des questions financières et tout ça. Bien sûr. Et comme je te disais dehors tout à l'heure, mais bon, là, je le dis pour les gens qui n'étaient pas dehors tout à l'heure. nous, on aime bien, on est fidèle en amitié ou en connaissance. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui sont corrects avec nous, et nous, on est corrects avec eux, il n'y a pas de raison d'aller chercher midi à 14h. Et on avait fait un concert avec un groupe qui s'appelle The Last Dodo. Le chanteur-guitariste Dorian Pied a un métier de vidéaste à côté. Et suite à ce concert, il avait fait des réels où c'était ultra bien monté. Il a fait un travail fou. Et on a fait, ouf, le gars, il a quand même un sacré talent. Et quand on a pensé au clip, pas chercher midi à 14h, on lui a dit, bon mec, est-ce que ça t'intéresse de bosser sur un clip? On voit que tu fais un sacré travail pour ton groupe, que tu fais des photos extraordinaires, que tu as une patte visuelle qui nous botte. Mec, ok. Et reste à trouver quel morceau on va clipper et qu'est-ce qu'on va raconter avec ce clip. Et moi, j'avais une vision d'un truc. Je voulais que ça soit classe et pas forcément que ça montre littéralement ce que je raconte dans une chanson, quoi. Et du coup, c'était l'idée de faire un clip assez classe dans un lieu un petit peu, on va dire, mort, mais qui raconte quelque chose. Et donc, l'idée validée par tout le monde. Ouais, c'est cool, machin. Je commence à faire un storyboard. Ouais, c'est bien, t'as des bonnes idées. Le lieu. Et donc, c'est compliqué. Ça a été. C'est ça qui a pris du temps. Ce qui nous a stressé, c'était le lieu. Parce que. On avait une date butoir pour réaliser le clip, le tourner, le réaliser, pour qu'il sorte avant l'album. Avant l'album. Et on s'envoyait les sangs, c'est un truc, ça me rendait fou. J'avais appelé Dorian, on a parlé 3 heures au téléphone à réaliser le storyboard, à dire oui, on pourrait faire des plans comme ci, comme ça. On était d'accord sur le truc, mais toujours pas de lieu. Et je vais voir des copains d'un groupe de death metal qui s'appelle Smashed. Et je vais voir ses potes jouer. Et je retrouve la bassiste que nous avions en commun dans notre groupe de Brutal Death. Et elle dit « Ah, mais vous cherchez un lieu comme ça ?» J'ai ça. Et elle nous montre le lieu où on a tourné. Donc, on est allé faire le tournage là-bas. Ça s'est super bien passé. Dorian, qui est incroyable, il arrive, il voit les lieux, il fait non, mais il faut rajouter ce plan-là, des idées de caméra. Un professionnel, tous les plans avec les miroirs et tout ça. C'était, voilà. Des trucs que nous, on n'avait même pas envisagé en discussion, quoi. Et lui, il avait cette vision-là. Un type adorable. Enfin, franchement, on peut que le remercier pour le résultat et la patience qu'il a eue. Parce que ça a été grosse journée de tournage. On a fait ça en une journée. On a commencé vers 10h et je crois qu'on a fini vers 19h, un truc comme ça. Voilà. Bonne journée. Voilà, bonne journée de tournage. Avec du froid et de la pluie. Avec de l'eau sur la gueule deux fois parce qu'il ne l'avait pas au bon endroit. Mais à un moment donné, il fallait lui balancer un seau sur la gueule d'eau et... le premier jet a été un petit peu raté. Mais il faisait froid. Non, mais le résultat est au-delà de nos espérances. Et on n'en garde que des très, très bons souvenirs. Puis même à chaque fois qu'on le revoit, c'est un plaisir de se dire, purée, on a fait ça avec nos idées, nos moyens qui, comme je dis, restent toujours restreints parce que si on avait $1 million, on ferait des clips avec Spielberg. Mais je ne suis même pas sûr qu'on aurait cette sincérité que Dorian a apportée. Franchement, il faisait très professionnel votre clip. Il n'y a pas forcément besoin d'y mettre le million pour que ça fasse très propre. C'est parler. C'est ce que je veux dire, c'est que tu peux mettre des millions, avoir un mec, ok, il a le CV qu'il faut, oui, mais il n'aura pas la sincérité et la communication qu'a eu Dorian avec nous. Mmh. Voilà. C'est sûr. Du coup, vous avez forcément, je suppose, envie d'essayer de remettre ça sur d'autres clips. Alors, bien sûr, il y a toujours l'aspect financier qui, ouais, là, qui c'est vrai que un peu, mais... la sortie d'un album, c'est quand même quelque chose de... niveau finance, c'est plusieurs milliers d'euros, quoi. Donc voilà, pour l'instant, on a dépensé ce qu'on avait à dépenser pour l'instant. Ouais. Je pense que ça va attendre un petit peu avant qu'on recommence. On a dépensé tout ce qu'on avait, on a faim maintenant. On n'a plus rien pour manger. Non, l'envie est là, mais après, je pense aussi qu'il faut laisser vivre un petit peu tout ce qu'on a produit. Et là, on voit un peu, j'allais dire, la rétribution, les gens qui viennent au concert, les remerciements, les félicitations, les contacts que Dorian a grâce à ce visionnage de clip et tout ça. Mais non, l'idée n'est pas fermée, mais n'est pas d'actualité pour l'instant. Okay. On se concentre sur les concerts. Ouais, normal. Faut bien le promouvoir aussi en live. Oui, c'est ça. Justement, tu as commencé à en parler un petit peu. Comment il a été reçu cet album? Parce que là, ça va faire un mois, en gros, qu'il est sorti. Quels ont été les premiers retours que vous avez reçus, que ce soit des gens ou même un petit peu du reste de la presse spécialisée? Comment ça a été reçu et vous, comment vous le prenez? A priori, alors les proches sont toujours très contents quoi qu'on fasse. Bien sûr. Oui, je demande pas forcément l'avis de tes parents ou autre. Tu vois. Donc les amis, c'est toujours pareil. C'est toujours difficile de. On sait qu'ils vont dire que c'est bien quoi qu'il arrive. Bon. Donc moi, je regarde plutôt ce que dit la presse et les trucs comme ça. Et globalement, les retours sont vraiment excellents. On a même eu un article récemment dans Metalienne. Enfin, un article. Une petite chronique. Sur l'encart grande. Non, mais enfin, c'est une chronique qu'on n'avait pas sollicitée. Ouais. Si, j'ai envoyé un mail en me disant. Ah, je ne savais point. Oui, je t'ai dit, bon, j'envoie un mail, on verra bien ce que ça donne. Ouais. Bon, au final, ça veut dire qu'ils ont écouté l'album et qu'ils l'ont apprécié et qu'ils l'ont mis au-dessus du lot du reste de ce qu'ils ont reçu au niveau underground quoi. Donc c'est super cool quoi. Et puis après toutes les chroniques qu'on peut avoir sur les différents médias sont toutes excellentes, donc je suis très content des retours et il devrait y en avoir d'autres là bientôt. Après il y a des chroniques qu'on découvre aussi parce que des fois tu sais, il y a la masse silencieuse qui a un avis sur un sujet mais qui va fermer sa gueule, pas le balancer sur les réseaux, bien sûr, Sans aller faire, les chercheurs dans la mine, là, qui nous a chroniqué. Des fois, on tape juste un truc et tu as le résultat Google. Et on a vu qu'il y avait des Russes qui nous avaient chroniqué. Là, on se fait souvent pirater par les Russes, mais c'est pas grave. À la limite, ils nous piratent, ils écoutent notre truc, ils chroniquent. Bon, écoute, c'est une chronique. Hein. Oui, bien sûr. Positive aussi. Dans le peu qu'on a compris de la traduction approximative de Google Trad. Là, on a une chronique en Slovénie. On ne sait pas d'où ça sort, mais du coup, on envoie du merch un petit peu partout dans les pays Slovénie. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a l'Allemagne, je crois. Non, mais dans les pays un peu plus... C'est un pays aussi, des étrangers. J'ai envoyé en Pologne, enfin, un truc comme ça, quoi. Ouais. Donc, ça veut dire que ça s'est écouté un peu partout, quoi. Donc, c'est super cool. Du moins, ça se fait découvrir un peu partout. Et moi, Laurent s'occupe d'envoyer le merch sur ces contacts-là. Et moi, je m'occupe des deux réseaux sociaux. Enfin, trois, mais le troisième, on le fait ensemble. Facebook, on le fait ensemble. Mais après, je m'occupe... On a un TikTok... Il faut se mettre à la page du jour. Ouais. Si tu voyais tous les groupes de métal extrême qu'il y a sur TikTok. Et donc, on a un TikTok et on a forcément notre Instagram. Et je vois d'un seul coup, suite à la sortie de l'album et du clip, les abonnés qui se rajoutent de tel endroit à tel endroit, pareil, d'un peu partout dans le monde. Et je commence à voir des abonnés, mais de groupes connus ou des... Enfin, vraiment... Là, ce matin, c'était un peu la fierté. Baest, je ne sais pas si tu connais, c'est un groupe de death metal. Je crois que c'est connu pour le coup. Qui nous rajoute. Et j'envoie un message en me disant ouais, mais alors ça doit être un tocard qui fait sa page fan, machin. Ouais. Et j'envoie, alors précisant un truc vraiment. Vous avez joué à tel endroit, j'étais là avec un pote, c'est cool, machin. Et les mecs ont répondu. Ouais. Et je fais oh. Ouais, ça veut rien dire, on va pas jouer avec eux nécessairement. Mais sur le principe, c'est ah, il y a des gens qui nous découvrent, quel que soit le biais. Si c'est la vidéo, tant mieux. Si c'est la musique, tant mieux. Si c'est un piratage russe, tant mieux. Non, même pas tant pis. Oui. Si on faisait ça pour la thune, concrètement, on arrêterait maintenant. Oui, je pense. Ça, c'est sûr. Hein. Parce que on n'a pas remboursé ce qu'on a investi. Oui. L'idée, c'est on fait ça par passion et par plaisir profond. L'idée, c'est si toi, tu as kiffé ce qu'on fait, le but, il est atteint. Donc, s'il y a un russe qui nous pirate, ça t'a plu. Tant mieux. On voit aussi sur Spotify les stats qui ont augmenté, enfin vraiment explosé, enfin explosé. On avait été tellement peu, zéro, pas grand chose. Donc là, du coup, actuellement, on est écouté un peu partout dans le monde avec des, enfin disons que les auditeurs ne baissent pas. Voilà. Ouais. Donc du coup, depuis la sortie de l'album, il y a eu un gros pic. Et ça reste relativement stable. Donc ça veut dire que les gens qui ont écouté continuent d'écouter. Ouais, faut dire aussi que le death mélodique, je pense qu'il y a vraiment un public un peu partout dans le monde qui est quand même fidèle au style et qui est demandeur parce qu'il y a des groupes, mais ben, tu vois, il n'y en a pas non plus des centaines de milliers comme un groupe de black tout court, tu vois. Alors, c'est un peu, il y en a, mais c'est peut-être un peu moins. Il y en a, mais il y en a peu de nouveaux, je trouve. Ouais, par contre, c'est pas forcément. Après, il y a beaucoup de groupes qui pop et le death mélodique, je parle encore il y a quelques années, s'est retrouvé noyé avec tous les groupes de metalcore. Parce que le metalcore, entend énormément. Oui, des fois, t'as tu as une frontière qui est un peu sale. Souvent, tu as juste le chant qui est différent. Quoi. Voilà. Le niveau musical, c'est assez proche. Quoi. C'est empruntant vachement de ces codes-là. Il y a un moment donné, tu as les vieux comme nous. Moi, je dis les gardiens du temple, les gatekeepers. Tu as envie de retrouver des trucs comme les premiers Dark Tranquility. On disait, c'est pas des groupes que j'écoute nécessairement, mais qui ont fait ils ont pavé le truc, tu vois, Insomnium ou des groupes comme ça. Oui. Soilwork, tu vois, énorme fan de Soilwork. Ben, quand tu re-entends un truc qui va pas être copié-collé, mais où il y a ces influences-là, tu dis, t'es à la maison, ouais, ça y est. Et donc, ce que tu dis, c'est, je pense, effectivement, t'as toute une partie de ces auditeurs. On n'écoute pas qu'un style en général, ou alors c'est vraiment soit t'es hyper calé là-dedans, mais c'est un peu triste, tu vois. Le truc, c'est que ces mecs-là, ils ont bouffé du metalcore en veux-tu en voilà. Il y a un moment donné, si t'avais un groupe de metalcore, là, pendant qu'on parlait, il y en avait 10 qui étaient sortis. Ou encore, encore. c'est le style à la mode. Actuellement, c'est plus le deathcore, quoi. C'est vrai que ça pousse... Toutes les copies de Lorna Shore... Deathcore ou alors metalcore, mais très popisé. Ouais, voilà. C'est vrai que c'est... Bah, comme il y a, je sais pas, c'était il y a 5-6 ans, ouais, peut-être plus, mais je comptabilise pas le temps. Mais t'avais tous les groupes de djent. Et tu voyais ça toutes les 30 secondes et j'étais là, pitié, autre chose, tu vois. Mets-moi un truc de blague, de trou blague, j'en sais rien. Même si c'est, tu vois, du Corpse Paint ridicule où les mecs ils imitent Immortal dans la forêt, je m'en fous. Au moins, c'est pas du djent, tu vois. Enfin, j'ai rien contre le djent, c'est pas ma cam, tu vois, mais trop, c'est trop. Et là, le metalcore, c'était ça. Donc, je pense effectivement que les gens se retrouvent peut-être dans humblement notre musique à dire, ah, il y a un côté un peu old school. Avec une production moderne et ça doit leur faire plaisir. En tout cas, nous, ça nous fait plaisir de le faire. Donc, nickel. On va parler un peu de date de concert. Vous avez fait votre release party il y a 15 jours, la semaine dernière. La semaine dernière. Vendredi 9. Oui, c'est ça. Donc, c'était la semaine dernière. C'est ça. Qu'est-ce que vous avez comme date à venir un petit peu à nous proposer? On a trois dates qui arrivent. On en a une fin février, donc en Ariège, pour le. Alors, je ne me rappelle plus le nom du fest. Je prends le téléphone, je cherche. C'est à Pamiers déjà. C'est à Pamiers, c'est le troisième du nom, je crois. Oui. C'est la troisième édition. Donc là, on va être pas mal de groupes. Je crois qu'il y a 7-8 groupes, un truc comme ça. Ouais, je dirais ça. Et je pense que ça va être. C'est quoi Metal... Alors, c'est le Metal Night 3ème édition. C'est le 28. Il y aura le groupe belge Blitzkin, qui est Brutal Death avec une chanteuse guitariste. Je sais plus si elle fait la guitare ou la basse. Incroyable. Elle fait la guitare. Elle fait la guitare. C'est, je la suivais sur TikTok. Tu vois, comme quoi TikTok, c'est pas qu'un truc avec des gamines qui dansent. Je la suivais sur TikTok et j'apprends que je joue avec elle. Enfin, moi, je suis refait. Tu vois, la meuf, elle avoine, mais truc, c'est vraiment violent. Mais enfin, tous les groupes qui jouent là, c'est excellent. Il y a Tempt Fate. Ouais. Je vais enlever le son, sinon ça va être chiant. Il y a Sulfator. Ouais. Oh, excellent, Sulfator. Excellent. Je les ai eu dans les canapés il y a 6 mois. Ah, dans, ça tue. On les a vus, là c'était à Axis Studio. Mm-hmm. Les mecs qui reprennent du Obscura à la fin. Enfin, moi j'étais refait, tu vois. Ouais. Obscura, c'est aussi une de nos grosses références, même si on l'entend c'est, moins ce que. C'est pas une influence, mais on aime beaucoup. Ouais. Voilà. Il y a Soulbreaker, c'est nos poteaux qui font du trash, pareil, gros soutien à eux. Il y a Severed Soul, donc le batteur, c'est le fils du gars qui organise le festoche. Et pareil, groupe à suivre, excellent. J'arrive pas à les définir et j'ai pas envie de le faire. Ils le feront mieux si un jour tu les as dans le canapé, ils se définiront mieux. Moi je dirais que c'est du death metal, après ils ont peut-être un autre avis là-dessus. Mais Severed Soul et des guests. Alors les guests, je sais que pour l'instant, ceux que j'ai entendus, ce n'étaient pas des groupes, mais plutôt des fabricants de t-shirts, des tatoueurs, des trucs comme ça. Mais ouais, gros fest en approche. Donc ça, c'était le 28 février, je crois. C'est ça. Après, il y a le 28 mars. Ok. Une date tous les mois. Voilà. Le 28 mars, donc ce sera à Eos, au bar... Alors, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle non plus. Alors là, je n'ai pas la fiche, c'est un bar... C'est le, genre le Bargen Bar, un truc comme ça, le nom. Oh, les pauvres. On regardait la vidéo. Non, vous ne venez pas, les gars. On est nuls, hein. Si on ne retient pas les noms, c'est ça. Bon, je sais pas, Mais je crois que c'est pour ce que tu dis, c'est le Bargen Bar, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, on va jouer avec on ne sait pas encore qui. La surprise. Bon, ça va venir, hein. Et après, donc Metallica. une date qui n'est pas encore annoncée, c'est une date à Irun, qui est en Espagne. D'accord. Voilà, on va jouer avec Ancient Settlers, avec qui on a déjà joué 2 fois à Toulouse. Donc, ils nous rendent la pareille et on va jouer avec eux là-bas pour un festival avec 5 groupes. Voilà. Et ben ça, c'était pour avril, du coup. Je crois que c'est le 18 avril. Et peut-être qu'on jouera le 21 mars en finale du Metal Combat, mais ça... Ah oui, j'ai vu ça. J'ai vu bon, ça, voilà. On est que ouais, au début. C'est encore un peu loin. Okay. Oui, donc encore une recherche active de dates. Voilà, donc on va essayer de trouver des dates pour mai et juin. On essaye de faire une date par mois à peu près, étant donné que le batteur habite assez loin. Ouais. On ne peut pas se permettre de faire beaucoup plus. Ok. Okay. Bon, mais c'est bien. Donc, il y aura l'opportunité de vous voir prochainement et pas que sur la région proche. Quoi. Voilà. C'est bien. Après, c'est, je pense, c'est le lot de tous les groupes qui sont dans une ville, on va dire, proche d'une grande ville. Tu vois, les Lyonnais, les Bordelais, les Toulousains, les Parisiens. T'as tendance à régaler les gens qui t'ont fait gagner, j'allais dire, un peu en visibilité. Parce que si tu fais des concerts devant 5 personnes, le groupe il split de lui-même. Tu vois, au bout d'un moment, t'en as marre, t'as pas le. Enfin, ou alors, faut vraiment que tu sois vaillant. Ouais. Ou bah, tu sais que t'habites dans un coin où t'as personne et que bah, c'est normal que t'aies personne devant toi. Et c'est pour ça que nous, on joue souvent à Toulouse, pas par défaut, mais aussi par plaisir parce que. Bah, on joue souvent avec aussi d'autres groupes toulousains, on fait des rencontres. Et il y a des groupes, c'est devenu des potes. Donc, tu vois, s'ils ont besoin d'un soutien, enfin, moi, s'il y a un groupe toulousain, que ce soit Varkodia, Soulbreaker ou quoi, qui fait une release party, qui dit, ouais, les gars, vous pouvez ouvrir pour nous, ça serait cool, mais feu. Oui. On va pas réfléchir, on va pas se dire, ah, c'est Toulouse, on y a déjà joué le mois dernier. Non. Par contre, tu vois, s'il y a des nouveaux groupes qui doivent jouer et que nous, on a fait deux dates avant Toulouse, soyons logiques, fais jouer un des nouveaux groupes, fais pas jouer à nous. Même si nous, on a l'envie de faire de la scène, faut pas être con, faut laisser la place. Nous, à un moment donné, on nous a laissé notre place, faut laisser la place aussi aux gens qui ont envie de mordre un peu de la scène. Tu vois. Bah, c'est aussi comme ça que tu crées une scène qui est vivante et qui est forte. C'est ça. Enfin, moi, c'est là ce que je... Ça dérive un peu de ta question, mais ce que je trouve formidable ces derniers temps, c'est que nous, au fur et à mesure des années, bah, on rencontre plein de gens, et puis tu les vois au concert, il y en a beaucoup, ça devient des potes, et il y en a, on travaille avec eux. Bah, tu vois, The Last Dodo, le guitariste, c'est le mec qui fait notre clip. Il y a une nana, Amélie Marie, c'est celle qui fait nos photos, on l'a vue à un concert, on l'a recroisée, machin, ah, t'es photographe. Eh ben, on a travaillé avec elle, c'est elle qui a fait les photos elle nous a fait pas mal de photos à des concerts, voilà. Donc du coup comme Dorian on s'est dit bah elle nous a rendu service, elle a fait du bon boulot, bah il y a pas de raison qu'on passe par quelqu'un d'autre pour faire nos photos pour le groupe quoi. Et puis tu vois on partage, c'est-à-dire que tu as un groupe qui se lance et qui est là, ah vous connaissez des photographes, ouais Amélie Marie, ouais. Fonce, enfin tu veux savoir ce qu'elle fait, regarde. Elle a fait ça pour tel groupe, elle travaille dans tel magazine, elle est pour le Metal Rock Magazine, ce que je te disais tout à l'heure. Tu vois le résultat, il est là. Et après, nous, on te met en contact. Donc, ouais, on a rencontré plein de groupes et on est friands de ça, tu vois, découvrir. Je sais que, bon, forcément, notre batteur, il a Béziers, donc lui, il ne va pas forcément venir voir des concerts à Toulouse. Bien sûr, c'est compliqué. Temps. Mais Patrice, moi et Laurent, ben, on a la chance, Axis Studio, c'est assez proche de chez nous au final. Et dès qu'il y a des concerts toulousains et qu'on est dispo, on y va. On ne fait pas que le bikini quand c'est Immortal ou Vatain. Enfin, là, je parle pour moi parce que Laurent, je ne pense pas qu'on verra ou Mayhem à venir. Mais bon, voilà, on fait les gros concerts. J'ai dit que j'aimais Vatain, mais on fait aussi les petits concerts et on découvre des gens qui fourmillent de talent et qui sont adorables. Bah écoutez les gars, moi j'en ai fini avec mes questions. Je trouve ça bien de finir sur ces belles paroles autour justement de notre scène toulousaine qui est de plus en plus riche et qui demande qu'à continuer à grandir. Et c'est clair que si en plus vous arrivez à vous soutenir les uns les autres, bah ça va forcément tirer la scène vers le haut. Donc merci pour votre nouvel album, merci pour les réponses à mes questions. Et ben, on espère vous voir bientôt en concert à un endroit ou à un autre. Ouais. On espère se voir bientôt à un concert ou à un autre.